Hello every pony, every pony, hello. Hello every pony, every pony, hello. Je me présente, Apple Bloom, sort Apple Jack, membre de la famille Apple, les chefs des petits Mark Crusader. Je vais vous raconter une histoire où qu'on a eu une galère. À Ponyville, il y a une bande de poneys. À Ponyville, il y a une bande de poneys. Nos cutie marques, elles veulent pas s'imprimer. Nos cutie marques, elles veulent pas s'imprimer. Docteur Chai, on est allé jouer, non non, les filles, vous irez vous coucher. Dans la forêt, une poule s'est égarée, c'est un boulot pour nous les CMC. Je suis la plus drôle, number one. Scoot, scoot, scoot, scoot, allô. Scoot, scoot, scoot, scoot, allô. Scoot, scoot, scoot, scoot, allô. Quand ça veut dire poulet. Ça c'est de la paro. La Sweetie Belle qui est en tête du groupe. La Sweetie Belle qui est en tête du groupe. Et puis Yamwe qui charrie Scootaloo. Et puis Yamwe qui charrie Scootaloo. La Flutter Shy qui nous a retrouvés. Vite vite les filles, c'est tard, il faut rentrer. Pas beau, c'est montré, fermez les yeux, il faut pas regarder. Je suis la plus drôle, number one. Scoot, scoot, scoot, scoot, allô. Scoot, scoot, scoot, scoot, allô. Scoot, scoot, scoot, scoot, allô. Quand ça veut dire poulet. Scoot, scoot, scoot, scoot, allô. Scoot, scoot, scoot, scoot, scoot, allô. Scoot, scoot, scoot, scoot, scoot, allô. Ça c'est de la paro. Y'a même Twilight qui s'est fait pétrifier. Y'a même Twilight qui s'est fait pétrifier. Un truc qui fait peur au poney. À cause d'un truc qui fait peur au poney. Une Flutter Shy, elle nous a protégés. Et le poulet s'est fait intimider. La Flutter Shy, elle nous a tous sauvés. Et Rarity a fini sa nuitée. Ça pourrait bien être pire, hein, parce que, hein, imagine. On a les pop-ups, on a les sabots, on a les cocornes, on a les nénelles, chiche on la refait, hey, chiche, chiche on la refait. Oh, qu'elle est mou, Scootaloo, qu'elle est laite, tout y belle, Scootaloo, elle est mou, qu'elle est laite, qu'elle est mou, qu'elle est mou, Scootaloo, elle est laite, tout y belle, Scootaloo, elle est laide. Mortalité au lieu de déconner, mortalité au lieu de déconner. On aurait mieux fait de rester couché, on aurait mieux fait de rester couché. Oui mais alors on aurait pas chanté, oui mais alors on aurait pas chanté. Peut-être qu'après ça notre cutie marque on l'est, peut-être qu'après ça notre cutie marque on l'est. Bah ça y est, on l'a fait. Les cutie marques Crusader chantent cette parodie. T'as eu ta cutie marque? Non, rien. Moi non plus. Ah, bon, on va trouver autre chose alors. Attends, je sais. Les cutie marques Crusader coureuses en roue autour d'un arbre. Vas-y, allez, meilleure idée. Les cutie marques Crusader, tu le mets mon sabot comme ça, et toi tu cours vite vite et tu mets ton museau dedans. Alors, ça a marché? Toi, Scootaloo, tu peux toujours avoir ta cutie marque de poulet, hein? Scootaloo, Scootaloo. Je crois que ça veut dire poulet. Je te vais un peu de loup. Ça, c'est de la parole.